Bienvenue à la Grange, où l'on refait le monde au coin du feu, entre copains, discuter de nos goûts entre deux bières et aussi de nos dégoûts entre deux verres de mousseux pas cher. À l'école de la vie, on a redoublé la maternelle. Bienvenue à la Grange. Mais j'ai vraiment redoublé la maternelle. C'est pas une connerie. J'ai redoublé la moyenne section. Eric, du coup, est-ce que tu peux, toi qui as redoublé la maternelle, est-ce que tu peux te décrire en trois mots? Je suis cool. Ok. Ça fait trois mots. C'est bien. C'est tout à fait exact. Je vois que tu as peut-être redoublé la maternelle, mais pas la grande section. Attends. La grande section de l'humour. C'est ça que tu voulais dire. Oh putain. Ça commence mal, hein. Ça commence pas terrible. Adri? Oui. Peux-tu te présenter en trois mots, s'il te plaît? Oui. Curieux et potache. Ça fait deux mots, Adri. Ok. Ça fait trois mots, là, maintenant. C'est bien. Mon troisième mot sera donc ok. Okay. C'est le moment du jingle? Je t'en prie. Je sais pas comment. Je crois que je verrai plus tard comment. Je sais pas lequel on prendra. Celui country. Prends le jingle country. Moi, franchement, le jingle country me plaît beaucoup. Cow-boy, hein. Et donc le slogan de la grange, c'est culture, biture et nature. Ok. Bienvenue à la grange. Culture, biture et nature, bienvenue à la grange. Voilà. C'est sympa. C'est sympa. Donc à la grange, on enchaîne les verres et les discussions futiles. T'as vu, je viens de faire une figure de style. Est-ce que tu peux me dire laquelle c'est? Tu peux me répéter la phrase? J'écoutais pas. À la grange, on enchaîne les verres et les discussions futiles. Et c'est un zeugma. Un zeugma? D'accord. Et du coup, le zeugma, tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est quand tu utilises un mot pour plusieurs termes. Wikipédia te renseignera mieux que moi, mais en gros, là, on enchaîne les verres et les discussions. Ah, enchaîne, utilise les verres et les discussions. C'est joli. J'en avais fait une dans ma future chronique, mais un zeugma. Mais je l'ai changé du coup. J'ai fait un truc plus con. Bon, du coup, je reprends ma phrase. À la grange, on enchaîne les verres et les discussions futiles. Le genre de discussion qu'on a entre amis aux heures indues lorsque l'alcoolémie dépasse les limites de la bienséance. Et Eric, je voulais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Une vraie bonne discussion de 5h du matin. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-il? Alors attention! Il y a trois super pouvoirs un peu cheatés que t'as pas le droit d'utiliser. Ah putain, non. Je suis sûr que le mien est dedans. T'as pas le droit de demander de vœux ou de pouvoirs illimités. Ouais, ça c'est normal. C'est vraiment cheaté. C'est la triche avec le génie d'Alan. Ça... Exactement. T'as pas le droit de contrôler le temps. Contrôler le temps. Contrôler, c'est-à-dire arrêter, ouais, avancer, reculer. T'as pas le droit de... Retourner dans le passé. Parce que ça serait vraiment trop cheaté. Et t'as pas le droit de... Pour tuer Claire, c'est de la triche. Je ne vois pas pourquoi on ferait ça. Vas-y. Et le troisième, tu n'as pas le droit de contrôler les esprits. Contrôler les esprits, c'est-à-dire faire que les gens deviennent mes marionnettes. Quoi. Voilà. Un peu... Non, exactement ça. D'accord. Alors. Ah bah du coup, le mien n'est pas dedans du tout. Hein. D'accord. Pour moi, ce serait la téléportation. Ouais, un peu comme dans Jumper, un film qu'on ne vous recommande particulièrement pas. D'accord. Vraiment de la merde. Ouais, je te fais confiance, hein, je ne l'ai pas vu. C'est l'histoire d'un gars, mais en plus... L'histoire est pas si mal, c'est un gars qui peut se téléporter que dans un endroit qu'il a déjà visité ou vu en photo. Ou, tu vois, il n'a pas le droit d'inventer. Ce bah, qui est bien logique. Sûr, oui, tu vas pas te téléporter dans un endroit que tu as toi-même Exactement. Imaginé, sinon tu inventes le paradis dans ta tête et tu y vas. Quoi. Voilà. Enfin bref, on digresse. Et donc dans ce film un peu merdique, ouais. En plus, je pense par contre que ça se passerait vraiment comme ça. Donc ils sont plusieurs à avoir le même pouvoir et il y a des gens qui se mettent à les chasser. Et donc, d'accord. Il y en a plein qui se font buter et je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça. Quoi. Non, non, mais moi je pensais juste avoir moi le pouvoir. Mais oui, mais si les gens s'en rendent compte, ils vont essayer de te buter quoi. Pourquoi? Parce si j'arrive sur une place. C'est super dangereux quoi. Pourquoi je vais sur une place aux Seychelles? Tu peux buter n'importe quel dictateur. Ah non, mais t'inquiète, moi je vais juste sur une place aux Seychelles. Hein. Juste que dans la vraie vie, si les gens s'en apercevaient, je pense que tu te ferais buter. Mais s'ils seraient jaloux que mais je non, aller parce aux que Seychelles les... là, les... au lieu de faire un podcast au coin du feu. Exactement. Mais d'ailleurs, n'étant pas. Waouh! Ouais, mais c'est les Seychelles. Entends-tu le bruit des vagues? Ah putain, si on peut mettre un... C'est mon super pouvoir. Tu m'as téléporté grâce à ton super pouvoir. Non, alors là, ça fait deux super pouvoirs. Bah en touchant... Bah non, mais j'imagine que tu peux téléporter d'autres choses. Sinon, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu te téléportes, t'es tout nu. Ouais. D'accord. Mais tu crois qu'on a besoin d'être habillé aux Seychelles, quoi? D'accord. Bah, je écoute... me téléporterai qu'aux Seychelles et au Cap d'Agde. C'est tout. D'accord. Je le trouve pas si bien que ça, du coup, si tu peux vraiment te téléporter que toi. Bah, c'est pas grave. T'arrives, t'achètes un froc. Ah bah non, t'as pas de tue. Bah... Attends, j'étais en train de réfléchir à un truc avec Western Union. Est-ce que tu peux... Je suis même pas sûr. Bah ouais, c'est tendu. Hein. C'est tendu, tendu. Alors oui, là, mon super pouvoir a beaucoup moins d'utilité si je me téléporte tout nu. Bah en gros, tu peux téléporter que toi-même. Bah après, je peux me téléporter chez des gens que je connais. Genre par contre, ouais. Je les appelle, je fais « Hey, j'arrive chez vous tout nu dans 30 minutes. » Là, ouais. Je finis mon café, je discute avec un pote dans 30 minutes, je suis chez vous tout nu. Ouais, dans ce cas, t'es obligé d'ébruiter ton pouvoir. Mais oui, c'est pratique. Oui. Mais bon, je dirais aux gens que je vais pas faire le mal avec mon pouvoir. Je vais juste. Moi, je pense que tu te ferais buter personnellement, mais. Mais sérieusement, tu me tuerais? Tu me tuerais? Mais pas moi personnellement. Parce que je peux me balader tout nu où je veux sur la planète. Mais genre, il y a des tas de dictateurs qui flipperaient et tueraient et disséqueraient pour essayer de trouver la source de ton pouvoir. C'est quasi sûr. Comme la poule aux œufs d'or, quoi. Exactement, sauf que c'était pas un dictateur. Ok. Ni la poule, ni le gars qui l'a buté. D'accord. Ok. Bon, et toi, du coup? Moi, j'avais deux idées assez cool qui sont pas des pouvoirs trop cheatés. Il y en a une assez sympa, c'était quand tu touches un truc, un objet de fiction, tu t'endors et tu peux entrer dans la fiction, quoi. En tant que caractère, personnage omnipotent. Dans le jeu vidéo, rentrer voilà. Dans un film. Mais tu dors en même temps, comme ça te repose. Genre, t'as du mal à dormir, tu touches, je sais pas, une BD et tu te retrouves dans Lucky Luke en train de vivre les super aventures de Lucky Luke. Et en plus, t'es omnipotent, tu peux pas vraiment te faire buter. Tu peux vivre l'histoire et tout. Et toutes tes séries préférées, tous tes trucs cool, tu peux les revivre. Moi, j'irai pas dans Lucky Luke, hein, j'irai dans Manara. Je sais pas ce que c'est. Ah, on conseille aux gens d'aller regarder ce que c'est Manara. C'est une BD, mais plus pour adultes. D'accord, mais dans ce cas, tu peux aller directement dans un porno, écoute. Tu touches YouPorn sur ton écran. Ah ouais, mais je trouve ça sale. Je préfère la BD. D'accord, d'accord. Je préfère que ça reste un anime. Ah, en vrai, moi, j'irai dans Dragon Ball Z. Ah ouais. Putain, ouais. Ah ouais. Bon choix. Et tu vois, en plus, à chaque fois, t'es super reposé, au calme. Et attends, mais j'irai où sinon? Il y a tellement de films où j'irai. Des films avec des jolies filles. Ah, moi j'irai dans un film où j'ai des super pouvoirs. Comme ça fait double super pouvoir. Ah non, j'irai pas du tout dans les films où il y a des super pouvoirs. Il y a toujours des morts. Mais toi t'es omnipotent, enfin tu peux pas, tu risques rien dans ton. Ouais, mais par exemple, tu vas dans Captain America, il y a 10 000 morts. Et d'ailleurs, ils en ont jamais rien à foutre à part dans le dernier. Là, oui, c'est clair. Ouais. Mais ils commencent à se rendre compte qu'en fait ils tuent tout le temps des gens. Mais non, j'irai absolument pas. J'ai dans un film de super-héros. T'es fou, j'irai boire un russe blanc avec Jeff Bridges dans The Big Lebowski. Je serais là, assis sur son tapis qui sent l'urine. Je serais vraiment trop bien, quoi. Mais non, j'irais mais plus, taper le bowling avec lui. Tu peux le faire plein de fois. Chaque nuit, tu peux le faire. Ou même la journée, si tu as envie de dormir en journée. Ou si t'es en avion et que t'as 10 heures à attendre, t'es là, ah, fais chier, et bim. J'irais dans Pulp Fiction juste. Monter dans le taxi de Maria Villalobos, la fille qui conduit le taxi, dans la scène où t'as Butch qui est joué par Bruce Willis à l'arrière du taxi et qui vient juste de gagner son combat de boxe et il apprend dans le taxi, elle lui apprend qu'il a tué le gars lors du combat de boxe. Il va avoir des soucis. Bah non, pas du tout, parce qu'il se casse. Enfin, oui, il va avoir des soucis assez vite, bien sûr. Et j'en avais un autre, mais. Je sais pas pourquoi j'avais pensé à ça, mais le pouvoir de quand tu claques des doigts, tout le monde autour de toi s'évanouit. Et je ne sais pas pourquoi je m'étais imaginé à la fête foraine. Et je pense que du coup tout le monde serait mort, mais j'imaginais beaucoup l'idée. C'est très très mauvaise idée, ça, tu vas voir. Par contre, là, les gens te tueraient, je pense. Ouais. Parce que c'est vraiment très dangereux. Ouais, mais s'ils essayent de m'approcher, bim. T'imagines, t'es sur l'autoroute. Ah ouais. Donc, très mauvaise idée. Ouais, non, par contre, t'as une soirée où tu te fais chier, là ça rend tout de suite tout plus drôle, quoi. Et après tu déplaces les meubles. Ça va, j'ai cru que t'allais dire un truc horrible. Et après tu peux violer tout le monde dans la soirée. Non, parce que non, je suis pas un violeur, mais ça. Non, vu que t'as pas de super pouvoir. Quoi? Vu que t'as pas de super pouvoir. Tu penses qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, Adrien? Pas du tout. Non. Parce que t'es pas obligé de l'utiliser, de 1. Et de deux, je sais pas si c'est des responsabilités, mais il y a plein de super méchants qui ont des grands pouvoirs. T'es donc pas d'accord avec l'oncle Ben de Spider-Man? Non, s'il était si malin, il se serait pas fait tuer. Et ouais, mon gars. J'étais en train de penser à un autre livre dans lequel tu pourrais entrer, ça serait Le Combat des Wombats. Oh! Mais c'est vachement bien. Et c'est pas la meilleure transition jamais faite. Sauf que ça s'appelle La Vengeance du Wombat. Merde. Ouais, mais c'est super transition, bravo Adrien. Je vais donc vous parler d'un recueil de nouvelles qui nous arrive du Bush australien, que j'ai eu le plaisir de lire il n'y a pas longtemps. Donc certains d'entre vous ont peut-être la chance de connaître Kenneth Cook. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas je vais le prononcer comme ça pour le reste de la chronique. Donc j'espère que je le prononce bien. Kenneth Cook est un écrivain australien qui a vécu, et là le terme n'est franchement pas exagéré, au siècle dernier pour mourir à l'âge de 57 ans d'une crise cardiaque en 1987. Le bouquin dont je vais vous parler fait partie d'un triptyque. Il est connu sous le nom de Killer Koala, qui compose les dernières œuvres de sa vie et ce sont sans doute les plus drôles. Le nom du bouquin que je recommande à tous se nomme La Vengeance du Wombat et autres histoires du Bush, ou plus simplement Wombat Revenge, selon le titre original. J'ai oublié de le mentionner, mais il s'agit d'un recueil de nouvelles d'environ 10 pages chacune. Il va de soi qu'étant de plus en plus feignant, je m'accommode très bien de courtes histoires humoristiques, d'autant plus si celles-ci comportent suffisamment de poésie en prose. Pour la poésie, je vous cite une phrase en exemple que l'on retrouve dans la nouvelle « Des serpents très très perturbés ». Ce que Vic appelait le matin était l'instant où le premier éclat de lumière étincelait au sommet argenté des vieux eucalyptus morts. Mais dans chacune de ces histoires, il y a des rencontres. Une rencontre avec ce que l'on peut trouver dans un des déserts les plus grands du monde, sur un continent lui-même désertique. Dans le bush australien, Kenneth va donc rencontrer autant, si ce n'est plus, d'animaux que d'humains, et lorsqu'il rencontrera des humains, ils seront tous asséchés par l'alcool et imbibés de soleil, ce qui contrariera fortement leur morale et leur raison. Dans l'ordre, vous rencontrerez dans ce livre un wombat, un pistolero chasseur d'opale, des aborigènes, des lézards à collerette, un kangourou ingrat, mais ne le sont-ils pas tous, un cochon sauvage, qui mérite son appellation, un coca à bicyclette, des buffles rétifs. Ouais, c'est un petit animal du bush australien. Des buffles réticents, un chasseur de serpents, un gros chien bien trop éduqué, des grenades à main, des sauriens, un pêcheur de requins, un fraudeur du fisc et enfin un koala explosif. Si cette liste ne vous fait pas courir acheter La Vengeance du Wombat et autres histoires du bush en livre de poche, mon dernier argument est que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu le droit de me faire dévisager par les autres usagers du transport en commun pour avoir un sourire jusqu'aux oreilles et rigoler comme si j'étais le seul au milieu du bus. C'était Kenneth Cook, c'était Comment attirer les emmerdes dans un pays de tarés peuplé d'animaux hostiles, et c'était le très recommandé La Vengeance du Wombat et autres histoires du bush. C'était une belle chronique ou pas ? C'était une très belle chronique. Enfin, moi, je prends pas les transports en commun, donc je vais. Tu le liras jamais. Mais Je trouve que c'est un peu dangereux de lire en bagnole, quoi. Bon, après cette bonne nourriture de l'âme, je propose une nourriture un peu plus terre à terre. On reboit une bière. Ok, et c'est surtout la rubrique bouffe. Oh, la rubrique bouffe. Miam miam, ça a l'air délicieux. Qu'est-ce que c'est ? C'est la rubrique bouffe. Sacré jingle. Ouais, sacré jingle. Et donc dans la rubrique bouffe, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau régime. On va parler, pendant cet épisode, du régime Amamalivore. Amamalivore. Voilà. Un régime que je ne connais pas du tout. Ben si tu le pratiques. Eh ben merci de m'apprendre quelque chose. Qu'est-ce donc le régime Amamalivore ? C'est un régime au cours duquel tu ne manges pas de mammifères. Alors c'est pas un vrai terme, c'est moi qui l'ai inventé. Parce que j'ai pas trouvé de nom sur internet. D'accord. Donc voilà. Mais c'est bien, moi je trouve ça bien d'inventer des choses. Ouais. Voilà. C'est une sorte de néologisme. Et puis, il faut nommer les choses. C'est... Exactement. Donc, on mange pas de. Enfin, moi, ça fait depuis plusieurs. Ça fait presque un an que je mange plus de mammifères. Mmh. Et toi, ça fait. Félicitations, moi, ça fait maintenant 20 jours. D'accord. Depuis le premier de l'an. L'idée à la base c'est que je trouve que les mammifères phylogénétiquement ils sont assez proches de nous. Alors je te rappelle que nos auditeurs ne sont pas tous très cultivés ni tous très intelligents, donc on va, si on utilise des mots comme phylogénétiquement, tu sais qu'on sera nos deux seuls auditeurs. Oui. Du coup tu viens de nous, du coup ça fait au moins un auditeur qui n'a pas compris ce mot. D'accord. D'un point de vue de l'évolution, ils sont proches de nous, tu vois. D'accord. On a un ancêtre commun plus proche de avec tous les mammifères que avec les poissons, avec les reptiles. Qui cet ancêtre commun? Je sais pas, on peut l'appeler Raoul si tu veux. D'accord. Et donc ils sont plus proches de nous. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on bouffait certains mammifères et pas d'autres, tu vois. Genre, il y a peu de gens qui bouffent des singes ou des chiens, enfin, en tout cas en Europe, alors que tu bouffes des vaches. Et puis, il y a des gens que ça dérange de bouffer des... Des vaches, les Indiens. Des chevaux, oui, non, mais en Europe. En Europe, les chevaux, c'est les Anglais. Tu vois, c'est quand même bizarre de bouffer certains mammifères et de pas en bouffer d'autres. C'est vrai. Et donc je me suis dit, bah, autant être logique et autant pas bouffer de mammifères. D'accord. Tout. En plus de ça, moi je trouve que les mammifères sont mignons, même si c'est pas un vrai argument. Non, c'est pas mal. Moi qui ai eu la chance et le malheur de travailler dans un abattoir de porcs qui tuait 10 000 porcs par jour, le jour où j'ai pu voir vers 4 h du matin des porcs s'échapper, j'avais pas du tout envie de les voir ramener à la maison. Bah ouais, tu m'étonnes. Non, mais il y a des gens qui ont des porcs comme ouais, en tant que chien, quoi. George Clooney. George Clooney, un cochon domestique. Et George Clooney qui a fait la voix de Sparky, le chien dans South Park. Putain, mais tout nous ramène aux mammifères, c'est incroyable. J'aurais une connexion, j'aurais une. Non, une mais phylogénie. Je suis d'accord. Moi, si j'ai commencé ce régime, c'est juste écologiquement parlant. Enfin, tu penses que ça détruit moins la nature de bouffer des. On a un régime beaucoup trop carné. Ah oui, ça, je suis d'accord. Et tout le monde le sait que si on veut arrêter de polluer la planète, va déjà falloir arrêter de conduire des jeeps. Bon, moi, c'est cool parce que. Il a le permis. Et des jeeps qui roulent au diesel. Et ensuite, il va falloir arrêter de produire et consommer de la viande à outrance. Combien d'entre vous, chers auditeurs, mangent de la viande à tous les repas? Bah zéro, vu qu'on n'est que deux à écouter l'émission. Un des autres arguments que j'avais pour pas manger de mammifères, c'est que les mammifères, ils ont un néocortex, contrairement aux autres animaux. Alors là, c'est comme philo quelque chose, va falloir expliquer. Parce que. Bah, en gros, c'est la partie la plus développée du cerveau, la partie la plus extérieure, et qui serait, qui est responsable de plein de trucs, mais notamment responsable apparemment des émotions et de l'attachement. C'est-à-dire qu'a priori, un poulet, il peut pas vraiment t'aimer, quoi. Il peut te reconnaître en tant que son maître, il peut savoir que c'est lui que c'est toi qui lui apporte. Du grain. Voilà, j'allais chercher ce que les poulets mangent. Ouais, du grain. Mais en gros, voilà. Et puis, moi, je suis intimement convaincu que la plupart des oiseaux sont des connards. Non, mais c'est vrai. Ok, mais après avoir insulté toute une communauté, parce qu'on est non spéciste, va falloir que tu aies des arguments derrière. Ouais, tu vois. Il y a pas mal de gens qui se font courser par des autruches ou des émeus, c'est des animaux super dangereux. Ouais. Les canards. Comment il s'appelle l'animal australien avec le. Casoar. Le casoar. C'est super dangereux. Il peut t'éventrer, j'ai lu ça. Les canards qui sont parmi les rares oiseaux à avoir une bite. Un cloac. Non, les canards ont des bites. Ah ouais. Et ouais. Les autres, ils ont un cloac. Un cloac. La plupart des oiseaux ont des cloacs. Et le canard a une bite. Le canard a une bite et il s'en sert pour violer des canards femelles. Et c'est une des rares espèces chez qui des comportements homo-nécrophiles ont été observés, si je ne m'abuse. Donc il viole des cadavres. Donc les canards, tu vois. Tu penses que t'étais un canard dans une vie antérieure? Pas du tout. Okay, je pose la question. Enfin, je pense que les oiseaux sont des canards. Après, je pense qu'il y a tous les mecs qui ont des perroquets à la maison, il doit y en avoir des mignons, mais tu vois, à la limite, je bouffe des perroquets. Des perroquets à la maison. Je pense que c'est interdit les perroquets à la maison. Il y a des gens qui ont des perroquets à la maison. Bien sûr. Des perruches. Mais attends, mais il y a des mecs qui ont des migales, des boas, je vois pas pourquoi il y aurait des gars qui auraient pas de perroquets. Mais non, mais s'il y a que dans les bandes dessinées. Mais pas Caramba, encore raté. Franchement, il y a que dans les bandes dessinées que. Non, je suis sûr, il y a des mecs qui ont des. D'accord, des perroquets à la maison. Non, mais je trouvais ça intéressant. Du coup, tu manges sans souci les oiseaux. De par le fait que ce soit des connards. Voilà. Okay. Et qu'ils peuvent pas avoir d'émotion, c'est des tueurs sanguinaires. D'accord. Et on a oublié de parler de lois. Lois dans le. Lois, c'est des sacrés connasses. C'est des sacrés. Enfin, quand tu vas à la ferme, il y a plein d'histoires où les gens sont coursés par les oies, qui n'y a que les monnaies. Ouais. Non, ça c'est. Ouais. Bon. Les oiseaux d'Hitchcock. Bon, c'est pas vraiment une preuve vu que c'est une fiction. Mais quand même. D'accord. Non mais oui, mais c'est un sujet qu'on pourra peut-être. Et voilà, et pareil, après je peux étendre ça aux poissons. Enfin, j'ai pas de pitié trop pour les poissons. C'est des connards les poissons. Je sais pas si c'est des connards parce que tu vois, dans les Dents de la Mer, au final, ils tuent pas beaucoup. Il y a beaucoup beaucoup plus de monde d'humains qui tuent des requins que l'inverse. Et chaque année, il y a plus de mecs qui se font tuer par des noix de coco ou par des vaches ou par des distributeurs automatiques qui tombent que par des requins. Ok. J'ai une histoire un peu glauque. J'ai mon oncle de Nouvelle-Calédonie qui est rentré dernièrement. Et en combien de morceaux? Il est rentré entièrement. Il est pas très grand, donc il tient facilement dans une valise. Est-ce qu'il tient dans un requin? Non, mais c'est un grand surfeur et un grand véliplanchiste. Enfin, grand. Et voilà, justement, mais on peut être petit par la taille et grand par le talon. Et il me racontait que Là-bas, chacun privatise sa plage, parce que c'est un peu le Far West, la Nouvelle-Calédonie, et que bah, y a des blancs pour privatiser leur plage. Ils mettent du fil barbelé jusque dans la mer. Oh putain, c'est salaud. Ouais, c'est assez salaud. Donc tu fais du surf et là tu vois du fil barbelé ouais. dans la mer. Et les Kanaks, la dernière fois, là, il y a une fille qui s'est fait bouffer par un requin. Bon, elle est vivante, mais il doit lui manquer un ou deux membres. Bon. Et on ne savait pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'attaque de requins sur cette plage. Et en fait, il y avait un Kanak qu'on avait marre qu'on vienne sur sa plage et qu'a appâté les requins. Ah oh, putain, la vache. Voilà. Et le mec a gentiment avoué après. Il a dit, ouais, c'est moi qui ai appâté les requins, là, en balançant de la carcasse de chèvre ou du cerf, parce qu'il y en a plein la forêt en Nouvelle-Calédonie. Et il a dit, ouais, j'en avais marre qu'on vienne sur ma plage. Bon, bien sûr, vu que c'est le Far West, il n'a pas été poursuivi. Mais oui, mais le gars, il ne peut plus utiliser sa plage non plus, quoi. Il ne peut plus se baigner. Oh, mais ça s'en va au bout d'un moment. Mais... Ah oui, donc il s'est dit, j'en mets là. Ouais. Ah, il est quand même chaud, parce que tu vois, genre... Ah oui, mais ils sont chauds. Hein. Ouais. Ils sont chauds. Ouais. Ils sont chauds. C'est des gens qui vivent pieds nus, hein, faut le rappeler. C'est super raciste. Ici, ça, c'est pas une marque d'être chaud. Non, ouais. Mais c'est le Far West. Hein. Mais j'avais pas prévu de chronique sur la Nouvelle-Calédonie, mais j'en ferai une la prochaine fois. Carrément. J'ai pas fait non plus, mais il y aura des rubriques voyage. Ouais. J'avais juste un dernier argument. Je parlais de mon régime à Mamalivore. Je sais plus quel type qui m'a dit, mais attends, c'est n'importe quoi. Sans l'industrie agroalimentaire actuelle, on n'aurait pas, de toute façon, pas élevé les vaches et les moutons. Enfin, bref, il y aurait pas, de toute façon, elles seraient pas vivantes. Pour lui, c'est plus cool d'être vivant, même si ta faim, elle est horrible. Tu vois ? Ah oui, c'est une connerie. Ouais, moi, je trouve ça... Je veux dire que les croisements génétiques qui ont donné aujourd'hui les vaches qu'on envoie à l'abattoir sont de notre responsabilité. Parce non, que... c'est pas ça. C'est que, de toute façon, les vaches, elles n'auraient pas survécu dans la nature. Tu vois, c'est... Justement, celle-là. Oui, celle-là. Voilà. Parce qu'en fait, les longs cornes américains vivent très bien tout seuls. Hein. Non, mais en gros, elles nous doivent la vie, donc... Mais j'ai une petite anecdote rigolote d'ailleurs. Quand j'étais en Tunisie, à un moment, je me balade dans le désert et je vois un panneau attention aux vaches. Et je demande à mon guide là, qui conduisait, je fais pourquoi il y a un panneau attention aux vaches. Il fait la DDE devait plus avoir de panneau attention aux dromadaires. D'accord. Donc concernant ton régime à Mamalivore, t'as trouvé quelqu'un voilà. qui a dit que vu qu'on éduquait, vu qu'on en avait fait des animaux domestiques et que sans nous ils ne peuvent pas vivre. Et qu'ils n'auraient pas existé de toute façon. Ouais. Enfin, tu vois, on les a élevés pour ça. Tu vois, les vaches dans le champ à côté, elles n'auraient pas existé vu que. C'est comme dans la nature. Ouais, tu crées un guillemets. Truc qui n'est pas voilà. censé exister et après tu fais non, attendez, regardez, ça existe. Voilà, donc. Et pour ce mec, ça justifiait justement. On a le droit d'en faire ce qu'on veut, tu vois, de toute façon, d'accord. elles n'auraient pas vécu. Ouais, c'est comme faire un enfant et dire c'est bon, c'est mon enfant, j'en fais ce que je veux, quoi. Voilà. J'avais un exemple un peu plus trash un peu plus trashos mais oui donc c'est vraiment c'est débile quoi tu vois Ah oui, je suis d'accord, je suis tombé sur une autre personne à Mamalivore et j'ai eu la chance mais attends mais elle a copié sur moi ou c'est non pas du tout j'arrive chez elle et j'ai la chance de manger un repas à base de crabe de coquille Saint-Jacques mais genre dans tout le repas il y avait pas c'était pas un repas de fruits de mer quoi mais il n'y avait pas d'animaux, quoi. Pas de mammifères. C'est vrai, on a peut-être encore du progrès à faire, mais il n'y avait en tout cas pas de mammifères, quoi. Ah, moi, je ne tiens pas spécialement à devenir végétarien, pour le coup. Ouais. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas me passer des huîtres et j'ai vraiment zéro pitié pour leur gueule quand je les ouvre. Ah ouais, bah ouais. Les huîtres, c'est difficile, hein. Bah, moi, j'aime pas ça du tout, mais j'ai vraiment pas de pitié, quoi. Ouais. J'ai pas de pitié. Et là, c'est même pas, tu vois, je pense pas que les huîtres soient des connasses, quoi. Les palourdes, les prairies, tout ça, j'ai vraiment zéro pitié. Hein. Ah ouais. Les coquilles Saint-Jacques, les noix de Saint-Jacques, j'ai jamais pleuré devant une noix de Saint-Jacques. Mais je serais super content qu'on ait un biologiste confirmé qui vienne dans l'émission pour nous dire si ce genre de crustacés, je sais même pas ce que. Mais ils ont des nerfs. Enfin, moi je sais que pour voir une huître, je coupe le nerf. Donc, il y a l'existence d'un nerf. Mais après, il n'y a pas l'existence d'un système nerveux, je pense. Je sais pas du tout. Je ne connais pas du tout. On va inviter un biologiste, je pense. Tu crois que c'est des nerfs ? Je connais pas beaucoup de biologistes, mais ça peut se trouver. Ok. On aura des invités prochainement. On va en avoir beaucoup trop. Ben ouais. Bon, ah ouais, moi je propose qu'on monte une secte. C'est quoi ta secte ? Bah la secte Mamalivorienne. Ouais. Donc on vénérerait, j'imagine, le dieu mammifère. En gros, ce serait une sorte d'entité un peu dégueulasse. Ça serait un ornithorynque à 100%. Rubrique consumérisme outrancier. La rubrique consumérisme outrancier, c'est la rubrique où à chaque émission, un poteau ramène un objet plus ou moins cool pour agrémenter la grange. Et pour inaugurer cette rubrique, j'ai ramené pour cet épisode à la grange une tireuse à bière. Et je pensais un poteau qui ramène un poteau pour décorer la grange. Ok, ça marche, t'as rigolé. C'est pas mal, tu pourras faire ça au deuxième, au deuxième épisode. Parce que là, c'est le premier épisode. D'accord. L'épisode qu'on a... Qu'on va diffuser. Il faut savoir qu'on avait tourné un épisode pilote qui s'est transformé en épisode cuite. Voilà, ça a été un peu le... Un échec. Un échec, on peut le dire. Un échec. Oui, donc on s'excuse pour l'épisode 0 et on espère que celui-là sera meilleur. Ça sera l'épisode. Et puis on va s'améliorer, on va écrire des rubriques, on va... Ouais. Mais déjà, on a pas mal bossé. C'est bien de s'excuser pour un truc qu'on n'a pas présenté aux gens. Oui, c'est clair. Je trouve ça bien. Ouais, vous nous devez rien, non mais... Non, c'est l'inverse. On vous doit rien. Du coup, on était à la rubrique consumérisme outrancier. Mais à part de la bière et... parce que moi, je consomme principalement de la bière. Bah, attends, je te fais ma présentation d'objet. Ouais, et qui est ? Donc, dans la rubrique consumérisme outrancier, cette semaine, j'ai ramené une tireuse à bière. Putain, ça tombe bien. Ça tombe franchement super bien. Et donc, une tireuse à bière pour agrémenter la grange. Et rétrospectivement, c'était vraiment, vraiment, vraiment une idée de merde. Pour plusieurs raisons. Déjà, Vas-y. Bah déjà, ça coûte assez cher pour ce que c'est. C'est une centaine d'euros la tireuse à bière. Dans les points négatifs, on peut dire que ça occupe pas mal d'espace. La grange est monstrueusement grande. Hein. Oui, la grange est... Oui, c'est une grange quoi. Est illimitée, omnipotente, omnisciente. Non mais elle est juste énorme. Oui, elle est à 200 mètres carrés, donc une tireuse à bière. Non mais ça les auditeurs, la grange c'est un peu l'espace dans le cœur de tous les auditeurs. Ah d'accord. Donc j'ai dit ça occupe de l'espace, c'est moche. Assez moche. Oh je sais pas, celle-là est assez stylisée. Elle est assez stylée, mais ça reste, tu vois, c'est pas un objet de déco quoi. Ça c'est un point sur lequel d'accord. Je peux être en désaccord d'accord, avec d'accord. Toi. Bon, il y en a qui décoreraient leur maison ou leur grange avec des tireuses à bière. Soit. Moi je trouve ça inutile parce qu'une tireuse à bière, en fait, c'est quoi ? C'est tu mets ton fût, donc déjà ton fût qui peut déjà servir de la bière, hein, dans une très grosse machine qui sert à refroidir. Mmh. Donc ça fait comme un frigo mais en moins utile parce que tu peux mettre qu'une sorte de truc dans ton frigo. Ou alors vu qu'on est en hiver, on pourrait juste mettre le fût dehors et ça ferait tout aussi bien l'affaire. Est-ce que tu me permets de revenir sur ce que tu viens de dire ? Oui. Je suis en désaccord pour commencer parce que pour moi la tireuse à bière que nous avons à la grange, c'est une tireuse à bière faite pour des fûts spécifiques achetés en supermarché. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il existe aussi de la tireuse à bière qu'on a dans un bar. Et là, je me serais dit qu'une tireuse à bière comme ça, ça aurait été plus rentable, sachant que les soirées qu'on fait à la grange, il y a souvent 50 personnes, et qu'on peut utiliser un fût, un gros fût de 50 litres, quoi. Là, on a un fût de 10 litres, quoi. Ouais, donc mais forcément... D'expérience, c'est du 5 litres, je crois. Du 5 litres. Et d'expérience, le problème, c'est que, quoi qu'il arrive, il reste toujours de la bière. Et Non. Les derniers fûts que j'ai ramenés, ils étaient en tout cas, il reste toujours le fût. 30 minutes, quoi. On laisse tout le temps le fût après la soirée. Ouais, ça par contre, on nettoie jamais. Et bien souvent, si ce n'est à chaque fois, on retrouve de la moisissure tout à l'intérieur de la tireuse à bière. Est-ce en fait que c'est la faute de la tireuse à bière ou est-ce que c'est parce qu'on est des gros dégueulasses? Là, c'est la rubrique consumérisme outrancier. Je ramène d'accord. Donc un objet à la grange. D'accord. Et là, j'expliquais pourquoi cette tireuse particulièrement, c'était une mauvaise idée. C'est devenu une sorte de tireuse à champignons avec le temps. Et enfin, je sais pas si c'est de la levure, je sais pas quel genre de moisissure c'est, mais si ça pouvait produire de l'alcool, effectivement, ça pourrait être rentable. Mais non, c'est tout simplement dégueulasse. Moi, je trouve que c'est inutile, moche. Et même dangereux d'un point de vue sanitaire, voilà. D'accord. En point positif, j'ai absolument trouvé aucun point positif à cette tireuse à bière. Oui, mais on aurait exactement, ce que je te disais, la même chose avec les fûts achetés dans le commerce qu'on laisserait dehors 10 heures. Ça serait exactement pareil, quoi. On servirait tout aussi facilement. on penserait à l'acheter parce que voilà. T'as déjà utilisé le truc en oui. plastique qu'on te met là? Ça fait que de la mousse. C'est de la merde. Donc tu penses toi que ça. C'est de la merde. Et voilà, on aurait dû inviter Jean-Pierre Coff. Non, mais c'est les grosses têtes. On a Jean-Pierre Coff. Feu Jean-Pierre Coff. Non. Si, il est décédé, mon pote. 2016 Ouais, ça l'année. Ah purée. Et je l'aimais bien, Jean-Pierre Coff. Bah grave. C'était un peu le papy facho qu'on aurait tous voulu avoir. Quoi. Il était pas facho. Non, mais il a un look de papy facho. Quoi, ouais, mais non, mais il était tellement pas facho. Non. Il aimait pas Sarko, il aimait pas Le Pen. Il était un. Il était... Et ce qu'il disait, c'est de la. Non, mais il avait ça, il avait sa célèbre tirade. Mais tu sais que ce type a fait les cours Florent. D'accord. Il a fait du théâtre, il se prédestinait à une carrière d'acteur. Et il a trouvé ce créneau, la cuisine à la télé, où il a besoin d'avoir. Une grande gueule, une prestance. Et il a fait ça. Il a fait des chroniques culinaires. Est-ce que tu crois qu'il s'est déjà tapé Maïté? Parce que ça. Non. On me fait dire. Non, non, mais je me souviens. On me dit dans l'oreillette que c'est un milieu assez fermé. Et tu vois, ils traînent tous un peu ensemble, ces gens-là. Donc... D'accord. Non, par contre, j'avais vu un dîner. Un dîner de con qui... Non, un dîner, tu sais, les dîners qu'organisait Thierry Ardisson sur Paris Première. Où il racontait. Attends, il faisait une émission, il faisait juste des dîners. Ouais, mais le mec a des concepts de ouf, quoi. Attends, mais c'est tout pourri comme concept, quoi. Attends, là, on boit des bières entre potes, genre, c'est un podcast. Oui, le mec, il faisait des dîners avec ses potes et il les filmait et ça faisait une émission. Avoue que c'est un level au-dessus, quoi. C'est quand même. C'est le top du top, quoi. Franchement, des concepts, t'invites tes potes, tu manges avec eux, tu déconnes, tu racontes des anecdotes et en plus de ça. T'es payé une fortune et tu passes à la télé. J'avoue. C'est pire que nous parce que nous, c'est gratos. Quoi. Non, mais nous, podcast. Tu regardes Disson, t'es pire que nous. On tenait à te le dire, enculé. Non, c'est très très bien joué de sa part. Je suis un peu jaloux. Hein. Je suis un peu jaloux que des trucs aussi cons marchent. T'aimerais bien être dans la peau de Thierry Ardisson. Alors, de quelle façon? Non, j'ai pas dit Morandini, j'ai dit. Non. Non, je trouve que, ouais, c'est, il vend des concepts très très cons. Tu sens le pubard derrière, le publiciste. Tu sens le mec qui a vendu des trucs. Ah, je trouve qu'il a tellement un sourire carnassier, ce type. Bah, il faut. Hein. Quand t'es un pubard plus un mec de la télé, t'as intérêt à avoir les dents qui arrivent au parquet. Hein. Ah, je sais pas, Laurent Ruquier, justement, dont tu parlais tout à l'heure, il me semble pas être le type le plus méchant du monde. Bah, il a quand même récupéré les grosses têtes en poussant Philippe Bouvard du cul, quoi. Oui, donc on parlait de consumérisme outrancier. D'accord. Et de tireuse à bière. Ouais. Donc pour moi, la tireuse à bière est un achat utile. Le problème. Bah de toute façon, il est déjà à la grange. Ouais, donc maintenant. C'est fait. Après, c'est un peu excessif le prix du bidon de DSP. En plus, on boit de la bière de merde. Voilà, en plus, c'était un des points que j'ai oublié d'aborder, c'est que du coup, t'es quand même très limité niveau bière. Parce ouais. que tu vois, t'achètes tes fûts, il y a peut-être 5 marques de fûts. On a quoi? Il y a en grande surface, quoi. Ouais, nous on a quoi? Grimm. Il y a de la Desperados, de la Heineken, de. De la Grimm. Ah ouais? Ouais, si, la dernière fois j'avais pris la Grimm. De la Pelfort, sûrement. Hein. Ouais. Tu vois. Ouais, ça reste super limité. La bière, pas terrible, quoi. Ouais, et puis. Après, il y a le degré d'alcool recherché, mais. Ouais, enfin, pour prendre une cuite. Là, mais après, oui. On fera une rubrique cuite, un de ces quatre. Et on verra que la bière. Un podcast de 8 heures. Un monologue de 8 heures chacun. Ok. Non, sur la tireuse à bière, c'est convivial. Mais oui, mais pour moi, ça n'a aucune valeur ajoutée par rapport à un fût simple. Si ce n'est le fait que ça te fait acheter des fûts. Tu vois, ce que tu penserais pas forcément à faire. Et puis, il n'y a pas la mousse. D'accord. Bon, ça reste à vérifier. Moi, je le fais plein de fois. Quand tu achètes ton truc, tu ne penses pas à le mettre au frigo. Du coup, tu le sors et il y a plein de mousse. Alors que là, on le met direct. Ouais, mais en plus de ça, c'est long à refroidir. Hein. Ouais. Bon, Après, ça décore bien. On a un bar. Donc, Ouais, de toute façon, là, c'est à la grange. Et en fait, cette rubrique consumérisme outrancier, elle va être vachement bien parce que dès qu'on aura des invités, ça sera à leur tour d'amener un objet. On a des poteaux qui viendront avec des poteaux. Ok. Bon, ils referont peut-être pas la même vanne, huit fois. Le mec veut voir si vraiment sa vanne est drôle, il réessaye à chaque fois. À chaque épisode, tu vois. Je fais ça, mais les gens qui me connaissent, ils sont je pense le calcul vite, c'est que quand j'ai une vanne qui marche, Je la réutilise avec des potes. Ouais, tu m'avais fait le coup la dernière fois. Ah oui, des fois j'oublie que j'ai déjà fait la dernière fois. Fait... Effectivement, c'est drôle, mais tu me l'as déjà fait la dernière fois. En fait, j'écris un spectacle permanent. Le spectacle de ma vie, quoi. D'accord. Tu fais pas ça? Non, moi j'essaie d'improviser la plupart. Comment ils se la racontent de ouf. Oui, c'est vrai que nous, les comédiens, les gens du spectacle, bon, les gens de talent, comme on dit, oui. Bon, ok, donc toi t'improvises. On vit sur le fil. Moi j'aime bien, quand j'ai une bonne vanne, j'ai envie que tout le monde en profite. Bah écrit à 40 barres, je sais pas. De qui cette rubrique célébrité? Moi je voulais parler de personne, c'est toi plutôt qui voulais parler de Laurent Baffy parce que moi c'est un type que j'aborde. Toi tu m'as dit que tu voulais parler de Roland McDan. Non, je suis sûr tout à l'heure. Bah, dans ce cas-là, j'aurais pas mis dans la rubrique célébrité parce qu'il est, il est pas drôle et il est pas célèbre et c'est un peu le. On balance un peu là. Ah, non mais Roland McDan est à l'humour français. J'ai envie de dire. Réfléchis bien ton analogie. Hein. Ouais, ok. Ok, j'ai envie de dire que Roland McDan est à l'humour français ce que l'eau de Javel est aux meilleures bières. Ah putain, et t'as réfléchi en plus. Hein. Le pire, c'est que t'as réfléchi pour une analogie aussi nulle. Attends, elle est pas mal, elle est mieux que ses blagues à lui déjà. Non mais le mec balance quoi. Mais t'as entendu, il fait des trucs mais lamentables. Il a un sketch tellement nul. Qu'il a appelé, je sais pas, je crois que c'est le dictionnaire de l'amour ou je sais pas quoi, mais en gros, tout son sketch, c'est juste un gars qui fait tout l'alphabet en disant A, par exemple, amour, B, beat, et là il se marre tout seul, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment pas drôle. Genre A, amour, B, beat, C, chat, et il trouve des mots à apprendre, mais c'est tellement nul. C'est. J'aime la vie de A jusqu'à Z. A comme. Amour, arrête d'amasser tes amants dans l'armoire à Herley car ils agonisent l'asticot à l'air. B, comme le bébé a bavé dans son bavoir et a balancé sa bouillie dans la baignoire. C, comme en costume croisé et cadillac, je fais un crochet au casino. Croupier, carte, au carré, cocu ou quoi? Croupier, encore une carte. Aïe, catastrophe, costume au croisé, au clou, cadillac à la casse, moi la corde. Je pense que c'est vraiment le genre de blague que si tu demandais à un CP d'écrire, tu vois, en cours, en classe, une blague, il ferait ça, quoi. Tu veux dire encadré par la maîtresse et tout. Exactement. Un cours sur la bite, donc. Non, j'ai pas tout compris de ce que tu disais. Roland McDan a un sketch où il fait l'alphabet. Non, mais j'ai compris, c'est une blague nulle. Ah, mince. T'as compris la blague de Roland McDan? Non, j'ai compris ce que tu voulais dire sur la blague de Roland McDan. Mais je trouve ça dur. Tu tapes un peu sur une ambulance. Parce que... Non. Il est loin d'être aussi efficace qu'une ambulance. Je t'arrête tout de suite. Non, je trouve ça hyper dur parce que être comique, c'est aussi savoir capter l'air du temps. Et c'est très difficile de rester dans l'air du temps tout en étant drôle. Je veux dire, tout... Enfin, à part des types géniaux comme... Des proches. Ouais, Fernand Reynaud. Coluche, en vrai, moi, Coluche, je le trouve brillant. Hein. Même si c'est pas lui qui écrivait ses sketchs. Non, mais Coluche est magnifique. Les Inconnus. Ouais, De Vos. Ouais, j'ai un peu plus de mal, mais De Vos, mais tu vois, quand il prend sa grâce, j'ai un peu plus de mal. Et qu'il fait un sketch en même temps que de la musique. Bah, j'ai un peu plus de mal, mais tu vois, j'ai un immense respect comparé à Roland McDan, qui est le mec que je pense que je respecte le moins. D'accord. Tu vois, ouais, donc on tabasse sur un mec qui déjà qui a plus de succès. Non, soyons honnêtes. Hein. On est en train de tabasser un mec qui a plus de succès. Qui essaye encore de monter sur... Enfin, qui monte encore sur scène. Putain. Contrairement à nous qui n'avons jamais mis... Détrompe-toi. Je suis monté plusieurs fois sur scène. D'accord, oui. Oui. J'attends avec plaisir ton one-man show. Non, c'était pas... C'est un théâtre d'impro. Je suis monté plusieurs fois sur scène. Ça t'embouche un coin, mon gars. Oui, t'étais payé? En billet. Et même pas de jeu. Non. Donc, je veux bien. On va continuer à le défoncer, hein, parce qu'on a commencé. Donc, autant bien finir le travail et bien lui péter le nez. Mais je tenais à rappeler qu'on est vraiment des grosses merdes à s'attaquer. Mais je suis pas trop d'accord. C'est pas parce que on n'est pas des comiques. Tu vois, c'est dans ce cas-là les. Mais j'aurais moins de mal. Ah, tu vois. Après, tout le monde le fait. Mais j'aurais moins de mal à défoncer Gad Elmaleh en ce moment et Kev Adams que Roland McDan. Pour moi, j'ai toujours un peu, j'ai un faible. Si tu veux, on les rentre à trois dans l'ambiance. Mais tiens, tu peux aussi rentrer à Anne Romanoff et Muriel Robin, il y aura... Tu vois, ça, je trouve ça hyper dur, parce que... Parce que ni l'une ni l'autre. Non, déjà, Muriel Robin, tu la sors de l'ambulance. Non, mais arrête. Non, alors, on en reviendra. Attends, la seule raison de la sortir de l'ambulance, c'est pour l'écraser avec la dite ambulance et la remettre à l'intérieur de l'ambulance après. Elle est ni drôle, ni d'Ève, ni d'Adam, ce qui n'est pas une expression. Okay, qu'on soit d'accord. On va revenir sur... Sur Muriel Robin, tu ne sais pas. Sur Anne Romanoff. Non, je l'ai... Quand j'étais gamin, mes parents... J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient souvent au théâtre à Paris. Et j'ai vu Anne Romanoff quand j'avais 10 ans, c'est-à-dire en 2000. Ok. Je suis désolé, elle faisait salle pleine, elle était drôle. Elle était drôle pour son temps. Non, elle faisait des vannes sur Internet, sur les sièges d'avion, effectivement. Mais si tu te bases sur le fait qu'à 10 ans, t'as rigolé, mais c'est un très mauvais exemple. À 10 ans, tu mangeais tes crottes de nez. Jamais mangé mes crottes de nez. Ensuite... Tu mangeais celle des autres. C'est encore pire. Non, franchement, à 10 ans, elle était... Moi, quand j'avais 10 ans, mais les salles étaient pleines, elle était drôle, elle était actuelle. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, les sketchs vieillissent mal. Mais la popularité n'est pas sketch, gage de talent. Le sketch du Scrabble de Pierre Palmade, oui, je l'ai revu, il était drôle parce qu'il était intemporel. Le problème de la majorité des sketchs, c'est qu'ils sont, inscrits dans la période dans laquelle ils sont écrits. C'est pour ça qu'on citait tout à l'heure De Vos, qu'on citait Coluche. C'est parce qu'ils ont réussi à faire des sketchs qui sont intemporels. Et moi, je te trouve très dur parce que Roland McDan, je suis sûr que dans les années 80, il était drôle. Je suis pas d'accord. Le truc de l'alphabet, c'est intemporel. C'est pas, il dit pas. C'est vrai que Bite et Chat, c'est assez intemporel. Non, je sais pas si j'ai cité, je pense que c'est d'autres mots, mais c'était vraiment nul comme ça. Quoi. Okay. Et le mec est tellement pas drôle. C'est. Tu vois, l'autre fois, on parlait de Chevalier Las Palès, et ben je préfère 10 fois Chevalier Las Palès à Roland McDan. Je te l'ai déjà dit, mais je trouve que le sketch de Chevalier Las Palès est réussi. Enfin, certains de leurs sketchs. Et le sketch du train qui va à Pau, avec il y en a qui ont essayé. Moi, j'ai bien aimé celui qui commence par « T'es raciste, toi ?»« T'es raciste, toi ?»« Ah, sûrement pas. Quand je vois un étranger, je lui parle pas, puis c'est tout. » Ce que je veux te dire, c'est que quand tu prends un sujet intemporel, effectivement, tu te démodes pas. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais l'argument FS salle pleine, c'est forcément bien. Mais moi, je trouve ça tout pété. À l'époque, quoi. Moi, je trouvais. Mais non, mais alors, dans ce cas-là, tu vois, Marine Le Pen, FS salle pleine, c'est forcément bien, tu vois. Elle fait des bons sketchs. Et enfin, pour la dernière rubrique de cette émission. C'est la rubrique pour ou contre. Alors, Eric, t'es pour ou t'es contre ? Ah, moi, je suis plutôt contre. Et toi ? D'accord. Ah, moi, je suis pour. D'accord. Ok, et bah écoutez, à une prochaine émission. Merci d'avoir écouté La Grange. Ouais, merci d'avoir écouté La Grange. Et puis, on vous dit à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.